le reste, il n'a pas pu répondre. Et même, ils étaient étonnés de voir la réponse de Imam Malik. Chaque fois, on lui pose la question, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Enfin, Imam Malik, il a dit donc, certains savants, ils ont essayé d'expliquer cette posture de la part de l'imam Malik. Comment les gens, ils viennent de loin, et lui, il ne peut pas répondre. C'est-à-dire, vous savez que dans l'ilm, on a ce qu'on appelle ketmul ilm, le fait de priver quelqu'un d'une réponse. C'est interdit en islam. Donc l'imam Malik, il était au courant. Sauf que certains disent, les questions sur lesquelles l'imam Malik, il n'a pas donné une réponse, c'était question qui concerne le contexte. Donc les vérités, l'imam Yujib, l'imam Malik. Donc nous, en tant que musulmans aussi, on connaît Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on connaît des choses, mais là on a besoin aussi d'apprendre un petit peu la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire la voir vraiment, alhamdulillah, le frère Hamza, c'est un frère spécialisé dans le domaine, donc il est enseignant en sociologie. En même temps, il a une formation religieuse, c'est-à-dire une formation d'imam et tout. Donc, alhamdulillah, on est tombé avec... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fas'alou ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamoun » C'est-à-dire, demandez les gens de science si vous ne connaissez pas. Et dans n'importe quel domaine, il y a les gens de science. Tab'an, pour la société, on ne peut pas demander uniquement un shir. Shir, il ne connaît pas la société. Donc le frère, inshallah, il va nous parler de la place des musulmans dans la société française. Inch'Allah, sans tarder, inch'Allah, on lui passe la parole. Allah subhanahu wa ta'ala, an yanfa'a bihi, inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait bénéficier de sa science, inch'Allah, et ce qu'il va nous dire. Il faut l'état fatal, inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وزعيمنا محمد رسول الله صلى الله وسلم يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je tiens en tout cas particulièrement à vous remercier, à remercier l'association des musulmans de Metz-sur-Seine. C'est pas la première fois que je viens à Metz-sur-Seine, mais c'est la première fois que je viens dans sa mosquée. Je sais pas si vous l'avez depuis longtemps. Mashallah. Donc ça fait un immense plaisir d'être dans les pionniers. Sabiakoun. On vous a fait promis. Mashallah. En tout cas, c'est un honneur et c'est vraiment un immense honneur et toujours un plaisir de rencontrer ses frères à travers la France et à travers l'Île-de-France et partout ailleurs. Car de toute manière, on n'est qu'une seule et unique communauté. On m'a demandé justement de venir vous faire partager quelques idées, quelques réflexions, quelques données sur un sujet très important, à la place des musulmans dans la société d'aujourd'hui et dans la société française. Ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'en plus je pense qu'il y a un petit temps pour que vous puissiez interagir, donc ça je vais vraiment tenir à ce temps-là, on va faire en sorte qu'il soit au maximum. Parce qu'en réalité, de toutes les manières, vous savez, comme on dit, je vais faire rapidement un premier point, on dit en sociologie qu'il y a deux types de sociologues. Il y a une théorie comme ça en sociologie, particulièrement chez les Américains, ils disent qu'il y a les sociologues professionnels et les sociologues profanes. C'est quoi ça, un sociologue professionnel, un sociologue profane ? Sociologues, vous savez, c'est ceux qui étudient la société, qui comprennent comment la société fonctionne, les relations, famille, état, société, consommation, etc., l'école et tout. Les sociologues professionnels, c'est ceux qui sont dans les universités, ceux qui font des livres, ceux qu'on voit à la télé, ceux qui sont profs, etc. Et selon ces mêmes sociologues-là, ils disent les sociologues profanes, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Dans la mesure où vous vivez dans une société, vous êtes vous-même des membres de la société. Et que vous le vouliez ou non, vous observez la société. Que vous le voulez ou non, que vous ayez du bagage ou pas, que vous savez lire ou pas, franchement, vous regardez la société. Vous la voyez en face de vous parce que vous êtes dedans. Donc, eux, ils disent, ces sociologues profanes, là où ils pourraient devenir des sociologues, sans devenir pour autant des sociologues professionnels, c'est juste s'ils prennent le temps de réfléchir sur ce qu'ils observent. Alors, vous voyez, c'est des sociologues qui disent ça. Juste s'ils prennent le temps d'observer et de réfléchir sur ce qu'ils observent. Tiens, aujourd'hui, j'ai vu ça dans la ville, j'ai vu qu'à l'école, ils faisaient ça, j'ai vu qu'avec mes enfants, ils ont parlé de ça, j'ai vu qu'à la télé, ils parlaient de ça, etc. Rien que ça, ils disent, ça vous fait de vous des sociologues. Vous n'avez pas besoin de connaître les théories, les grands auteurs, avoir fait 5 années d'université, non. Il suffit juste simplement de regarder autour de vous et de voir que, effectivement, des choses se passent, des choses complexes, des choses plus simples, des choses qui se passent tout le temps, qui se répètent, d'autres qui sont un peu plus exceptionnelles. Après, bien sûr, les sociologues professionnels sont ceux qui vont éclairer un peu plus. Donc, L'idée, c'est que qu'on comprenne bien que le thème que je vais aborder aujourd'hui est un thème qui, en réalité, vous concerne tous, comme vous pouvez tous l'aborder, dans l'absolu. Dans le sens où vous êtes tous dans cette société, et vous la voyez tous, et vous êtes tous musulmans, donc vous êtes des musulmans dans la société. Donc vous avez tous, quelque part, répondu à la question, consciemment ou inconsciemment, sur la question de quelle est ma place en tant que musulman dans cette société. Vous avez tous répondu à la question, soit consciemment, soit inconsciemment, soit rapidement, soit lentement. Mais vous répondez tous à cette question, parce que vous êtes obligés. Vous n'êtes pas des extraterrestres, vous n'êtes pas en train de voler au-dessus de la Terre ou de la ville, vous êtes dans la réalité. À travers votre travail, à travers vos études, à travers vos familles, vos relations, vos voisinages, vous répondez toujours à cette question. Maintenant, c'est vrai que nous, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer un petit peu, ensemble, de voir un petit peu quelles sont les bases qui nous permettent de bien saisir quelle est notre place, et de faire déjà, surtout, je vais être droit au but, surtout de faire que cette place-là soit la plus positive possible. Hein, en réalité, pour résumer même plus clairement, de faire que cette place, si on est musulman, on est supposé être donc des fidèles à Allah Azzawajal, des serviteurs de Dieu, donc ça veut dire que notre place soit celle qui agrée Allah et son messager. Hein, qu'Allah Ta'ala, que ce soit une place que Dieu aime et qu'il agrée. C'est ça en réalité. Puisqu'au final, qu'on soit dans la société, on y est, pas le choix. Mais on n'est pas les seuls à être dans la société, il n'y a pas que des musulmans dans la société dans laquelle nous sommes. Donc quelle est la différence? La différence, ça va être uniquement là. Est-ce que notre place, notre comportement, nos actions, même la manière de se projeter, même la manière de voir les choses, va être fidèle à ce que Allah Azzawajal aime et agrée? Pour ce faire, vous me permettrez de faire deux choses. Il y aura une méthodologie, on va utiliser une méthodologie, et on va prendre un itinéraire, un chemin. Une méthodologie et un chemin. La méthodologie, vous ne cassez pas la tête, ça ne va pas être compliqué, c'est le Coran. Peut-être le Coran. Le Coran, c'est notre feuille de route. Dans son sens le plus simple jusqu'au plus compliqué. Hein? Le sociologue professionnel trouve son compte, mais le sociologue profane aussi trouve son compte. Hein? Parce que justement, c'est ce que nous dit Allah Ta'ala dans le Coran. Hein? Nous avons facilité le Coran et le dhikr. Alors que le Coran et le dhikr, fa'al min mudhakir. Nous avons facilité le Coran pour le rappel, pour la réflexion, pour la méditation, pour la remémoration. Qui se le rappelle vraiment? Qui s'approprie vraiment le Coran? Donc le Coran est accessible à tous, que ce soit par l'écoute, par la lecture, par son étude. Donc la méthodologie, ça va être le Coran. Vous allez voir que je vais juste utiliser un seul verset sur la méthodologie. La méthodologie, je suivrai pour notre méthodologie ensemble un seul verset. Un verset que normalement, beaucoup d'entre vous connaissent. Beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, ce sera l'occasion. Parce qu'en plus, il figure dans la sunna de ce qui est considéré comme répété et récité quotidiennement. Ça, c'est pour la méthodologie. Le cheminement, là, le petit chemin, ça, ce chemin est long. Donc peut-être même qu'on n'aura pas fait tout le chemin ensemble, ce soir. Peut-être que d'autres occasions, on pourra le faire. Mais disons que ce chemin-là est un long chemin, qui est très simple aussi. Lui, en fait, ce chemin-là, il est à mi-chemin, si je puis dire. Il possède deux grandes forces, deux choses importantes. Ça va être encore le Coran. Eh oui, on va pas le lâcher. Encore le Coran. Et vous allez voir, ça c'est un peu mon côté d'analyse justement, parce que si j'analyse la société, je l'analyse pas comme ça. Je l'analyse avec des outils. Je vais l'analyser avec un outil que je considère comme étant très important, qui m'est pour moi très précieux, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Sira Nabawiyya. Hein? Pour moi c'est très précieux, parce que je considère, en tant que croyant, je considère que non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète envoyé avec la révélation, mais je considère que même sa vie est une révélation. Je considère que sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a été le fruit d'un plan que Dieu a posé pour que les gens comprennent. D'une méthode fixe, claire, pour que les gens puissent s'éclairer et savoir comment avancer. En gros, vous savez très bien, en tant que croyant, il n'y a pas de hasard. Hasard, ça n'existe pas. Et même pas besoin en tant que croyant. Faites juste un peu de maths, vous savez que le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, ça n'existe pas. Mais alors, quand on se dit que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait naître un prophète, il l'a fait grandir jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge, pour qu'après, à cet âge-là, il ait la révélation. Ensuite, à partir de cette révélation, il passe par telle et telle étape. Hein, la période mécoise, et tout ce que ça signifiait. Le secret, la phase publique, l'opposition, le boycott, le blocus. Ensuite, première tentative de sortie, Taif. Deuxième tentative de sortie, Médine. Et grand succès, le Médine, etc., etc. Bref, je ne vais pas vous refaire tout, mais chaque, pour moi, chaque étape est extrêmement précieuse. chaque étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement précieuse. Bien entendu, et là c'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des moments plus importants que d'autres. D'ailleurs, les moments les plus importants, nous les avons tous entre nos mains. Ceux qui sont les moins importants ne sont pas dans les textes. Quand je vous dis tous les éléments, par exemple, ce qui s'est passé avant la révélation, on a quelques bribes, hein, vous savez, de la Genèse. Pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup. Hein, parce que certains, on voit dans certains livres des histoires, mais en réalité, on n'a pas beaucoup. Authentiquement, on n'a pas beaucoup de récits de 0 à 40 ans. On va dire même de 0 à 20 ans, pour être plus clair. De 0 à 25 ans, 30 ans, c'est-à-dire le mariage. De 0 à 25 ans, on a au moins une information très importante pour vous dire que, comment Dieu la met à son importance. Ashab al-Fil, l'histoire des gens de l'éléphant. Hein, l'épisode de la naissance, en fait. C'est l'année de naissance, c'est quasiment le mois, si je ne me trompe pas, c'est le mois de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, l'expédition qui vient pour détruire, qui voulait détruire la Kaaba. D'accord ? Donc, le Coran a mis en place un fil qui va suivre un petit peu, qui va suivre la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jalonné par la révélation. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dit, j'ai fait descendre le livre par fragments. Hein ? Doucement, par petite étape, à tel point même que les opposants, je crois même que c'était, il y avait des Qurayshites, mais même les Juifs ont critiqué le prophète sur ça. Il me dit, mais pourquoi ton Coran il n'est pas venu d'un coup? Tu dis que ça vient de Dieu. Pourquoi Dieu il n'a pas tout mis en un bloc, vu que Dieu sait tout, et qu'il sait ce qui va se passer, etc., et qu'il gère tout? Pourquoi il t'a pas fait un livre, il y a tout dedans. Il a écrit tout de A à Z. C'était le cas en fait, le Coran, il y a tout de A à Z. Mais en gros, il dit, pourquoi il n'est pas venu en un seul bloc? Et là, Allah Azzawajal répond, il dit, non, les choses viennent par fragments, pour chaque situation, chaque événement, chaque problème. Et surtout, pour laisser aux humains de prendre des décisions et de voir leurs responsabilités. C'est pour les tester. Donc, je dis, on va prendre un cheminement. Comme je dis, c'est un long chemin. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un long chemin. Même si ça semble vivre, même si c'est une vie de 63 ans, hein, c'est pas mal quand même, même si c'est une révélation de 23 ans, ça reste un très long chemin qui mérite une grande analyse. Et je ne saurais insister sur le fait qu'il est impératif pour chaque croyant et croyante de lire, mais pas simplement de lire, de comprendre et d'apprendre et de retenir et de relire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment très important, c'est une part constituante de notre foi. Parce que quand vous dites « La ilaha illallah », vous dites « Muhammad Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Et vous ne pouvez pas dire Mohammed Rasulullah si vous ne savez pas qui est Mohammed et qu'est-ce que Rasulullah. C'est vrai ou pas? Vous ne pouvez pas dire Mohammed Rasulullah si vous ne savez ni qui est Mohammed, ni qu'est-ce que c'est Rasulullah. C'est quoi Rasulullah? C'est quoi dans la vraie vie? Concrètement, c'est quoi? Quoi qu'il en soit, et en réfléchissant justement à la manière dont je voulais aborder le thème, en fonction de ces deux cheminements-là, je me suis dit comment on fait? Et là, j'ai eu un petit flash, c'était ça m'avait percuté, c'était lorsque j'ai eu l'occasion de faire une Umrah. Il y a un moment précis de la Umrah qui m'a interpellé. Il y en a plein, mais en fait celui-là m'a interpellé pour ce soir. C'est le fait que dans la Sunna, il y a un moment donné, lorsqu'on est au niveau de Safa pour faire le Sa'i, vous savez, les allers-retours, le 7 aller simple, mais qui font un retour entre Safa et Marwa, on commence par Safa. Vous savez pourquoi on commence par Safa? Parce que justement, c'est ce qu'on dit. Hein, exactement, c'est ce qu'on dit dans la Sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il est arrivé à Safa. Inna Safa wa Marwa min sha'a'illah. Hein? Certes, Safa ou Marwa, ça fait partie des rites d'Allah azza wa jalla. C'est ce que Dieu a ordonné. Et qu'est-ce qu'on dit? Abda'u bima bada Allahu bi. Je commence par ce par quoi Dieu a commencé. Et là, il y a une sagesse de fou. Je commence par ce par quoi Dieu a commencé. Ça veut dire quoi? Et oui, ça veut dire que si Dieu commence par quelque chose, c'est que c'est important. Ça veut dire même qu'il faut commencer par ça. Donc, par rapport à la méthodologie, je me dis, on veut parler de notre place dans la société. Eh bien, réfléchissons à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa société. Ça a commencé par quoi, la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça a commencé, là où ça devenait très important, c'est la révélation. Là où ça devenait, pour nous, ça nous apporte, c'est la révélation. Par quoi Dieu a commencé? Par surat, l'alaq. Hein? D'ailleurs, pas entièrement. Pas l'intégralité de la surat que nous connaissons aujourd'hui. C'était les 7, je crois, 7-8 premiers versets. C'est les 5-6 premiers versets. Moi, je vais retenir le début. Juste le début, ça me suffit largement. Le début me suffit largement. Mais c'est même par rapport à la révélation. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et vous avez jusqu'à akhirihi pour la révélation, allama bil qalam, allama bil qalam, allama l'insana ma lam ya'lam. Il a enseigné par le qalam, par la plume, il lui a enseigné, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne soupçonnait pas. Et là, vous vous arrêtez un instant, encore particulier, plus particulièrement ceux qui sont parents. Et je vous pose la question. Vous avez votre enfant, il n'a pas de bibliothèque. Il n'a aucun livre. Et vous lui donnez, Walillah al-Mathal A'la, bien sûr, et vous lui donnez l'ordre, lis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester regarder une bibliothèque vide? Non. Il va chercher ce qu'il doit lire. Qu'est-ce que je vais lire? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que je vais lire? Et là, on va voir que justement, quand il s'agit de se poser la question, d'abord je vais revenir là-dessus pour la clarifier, lorsqu'il s'agit de se poser la question, comment je fais pour comprendre ma place en tant que musulman dans une société, quelle qu'elle soit, et pour nous en l'occurrence dans la société française, alors on doit partir d'un point de départ classique, c'est-à-dire de l'intérieur. Je pars d'abord de l'intérieur, ensuite je vais vers l'extérieur. Et qu'il faut considérer que s'il y a des choses qui te semblent très perturbantes autour de toi, ou si tu trouves que même cette société est horrible, hein, c'est possible, tu as le droit de dire ça. On peut se dire, c'est quoi cette société de fous? C'est quoi tout ça, tout ce qui se passe autour de moi? Je l'ai dit, en tant que sociologue profane, on peut tous se dire ça. Le problème, c'est que ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, la yurayyiru Allah ma biqawm hatta yurayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple, d'une société. Dieu ne change pas une société si vous ne changez pas ce qu'il y a en vous-même. Donc nous, des fois, on est là, très rapidement, on va lancer une condamnation envers la société dans laquelle nous sommes. Où que nous nous trouvons, que ce soit en Occident ou ailleurs. Mais la vraie question, c'est est-ce que toi, tu as vraiment fait déjà l'effort personnel et interne qui t'amène à ce que tu aies une bonne place. Déjà, toi, tu as une bonne place vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et de sorte que ce que tu as suffisamment changé pour que tu puisses éventuellement parler du changement ailleurs. Je m'arrête 2 secondes sur cet aspect-là, vous allez voir pourquoi, pour justifier de l'intérieur, pour aller... Sur, je vous ai dit la méthodologie qu'on va suivre. Méthodologie qu'on doit suivre. La méthodologie qu'on va suivre, c'est donc, je vais utiliser juste un verset. C'est un outil pratique. Là, c'est pour pas qu'on parle que dans le vide. C'est un outil pratique. C'est le verset des 5 premiers versets de Sourate al-Baqarah. Donc, vous connaissez les 5 premiers versets de Sourate al-Baqarah. En tout cas, il faut la connaître. Il faut la connaître, c'est pas une blague, il faut la connaître. Si vous la connaissez pas, sachez-la, facile. 5 versets, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité chaque matin et chaque soir. C'est des sunnahs des fois qu'on oublie un peu ou qu'on ne connaît pas, qui sont importantes. Parce qu'elles ont une importance, comme disent les savants. Sourate al-Baqarah a une immense importance, on l'appelle la synthèse du Coran. Et les 5 premiers versets sont aussi une synthèse de Sourate al-Baqarah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété souvent. Donc, vous savez, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه, selon de lecture la raib, mais la plus courante c'est la raib fih, هدى للمتقين. Donc Alif Lam Mim, à faire classer, je vais pas rentrer, ce que je dis à faire classer c'est long discussion, même certains disent que c'est pas trop la peine de rentrer là-dedans. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, voici donc le livre dans lequel il n'y a pas de doute. Voici donc le livre dans lequel il n'y a aucun doute. Une guidée, et dans lequel en fait il y a une guidée, qui représente une guidée pour ceux, terme un peu compliqué, en réalité il est compliqué ce terme, on l'a traduit trop souvent en français par les ceux qui craignent Dieu, c'est plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué que ça. Taqwa, ça veut dire la préservation, c'est se sauvegarder, se préserver, c'est préserver contre nous-mêmes aussi, se préserver contre le mal, se préserver contre les gens, préserver nous-mêmes contre des gens, et vice-versa. C'est se préserver de tout ce qui nous ferait, tout ce qui nous pose problème, tout ce qui peut nous nuire. Et au final, tout ce qui déplaît à Dieu, parce que Dieu ne veut pas qu'on se nuise. Dieu ne veut pas qu'on se nuise et qu'on nuise. Dieu ne veut pas qu'on fasse du mal et qu'on se fasse du mal. Au final, c'est ça. Parce que tout ce que nous dit Allah Ta'ala, il dit, moi, je n'ai pas besoin de votre adoration. C'est Allah Ta'ala qui le dit, Yabna Adam, au fils d'Adam, si toute la planète de ces djinns et de ces humains était comme le meilleur d'entre eux, donc un prophète, comme des prophètes, tous en termes de ibad, etc., ça n'ajoutera rien à son royaume. Et si vous étiez tous, hommes et djinns, comme le pire de la pire espèce des êtres humains ou des djinns, hein, le pire qu'on peut imaginer, ça ne retirera rien à mon royaume. Donc en fin de compte, Et ça, c'est même dans le Coran. Parce qu'Allah Ta'ala nous dit, lorsque vous faites une bonne œuvre, c'est pour vous. Lorsque vous faites une bonne œuvre, c'est pour vous. Mais lorsque vous en faites une mauvaise, c'est sur vous. Mais au final, Dieu, ça, c'est pas pour lui. C'est vers lui, mais c'est pas pour lui. On lui apporte rien. C'est lui qui nous apporte. On lui donne rien, c'est lui qui nous donne. Bref, el-muttaqim. Enfin, rapidement, c'est quoi le muttaqim? Dieu nous le définit. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Eh bien, mon verset, c'est celui-là. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Wa yuqimuna as-salata, qui accomplissent la salate. Je volontairement, je ne le traduis pas. Parce que la prière, c'est pas la salate. La prière, rien à voir. La prière, c'est éventuellement dua. Éventuellement. Si on, le terme français, il pourrait éventuellement s'appliquer à la dua. Éventuellement. Mais salat est un terme très particulier. Très particulier. En langue arabe et coraniquement, et même au niveau de sa signification. Surtout au niveau de sa signification. Elle est dit, qui accomplissent la salat, qui croient en la visible, qui accomplissent la salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et de ce que nous leur avons accordé. J'insiste parce que je sais que, comme moi, hein, j'ai lu les traductions des sens. Malheureusement, aucune traduction n'est satisfaisante, jusqu'à ce que tout celle que j'ai vue n'est satisfaisante pour rendre vraiment la dernière partie de ce verset. وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. On a très souvent entendu et qui donnent de leur bien. C'est pas vrai. Ce verset-là ne veut pas dire ça. Ce verset dit وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ça veut dire, si on fait d'abord littéralement en arabe, et de ce que nous leur avons donné, accordé, comme subsistance, et même d'ailleurs, comme le dit Cheikh Sharara, le risque, c'est beaucoup plus large que ce qu'on appelle la subsistance de manger, c'est plus compliqué que ça. En fait, le risque, c'est tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Quand on est mort, qu'est-ce qui se passe? Le risque, c'est fermé. Oui, non. Lorsqu'on meurt, le risque, c'est terminé. Donc, ça veut dire que c'est que... Non, c'est pas que la bouffe, c'est plus que ça. Hein, pour résumer, et en fait, comme le dit dans son tafsir, il n'est pas le seul d'ailleurs, c'est de tout ce que Dieu vous a donné, vous le donnez, vous le rendez, vous le distribuez. Ça veut dire quoi? C'est simple. Si on part du concept de subsistance, ça veut dire que pour manger, vous êtes d'accord que l'islam condamne un petit peu le vol, un peu beaucoup. Donc c'est pas, on va pas voler pour manger. Pour manger, on fait comment? On travaille pour pouvoir manger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton risque, ton fameux risque, c'est pas tu ouvres le bec comme un oiseau et t'attends que ça vienne, c'est tu travailles pour ensuite avoir l'argent qui te permettra de manger et de faire manger les tiens. Donc au final, c'est quoi le risque? C'est le salaire qui vient de rentrer ou les moyens qui t'ont été utiles pour pouvoir travailler et obtenir cet argent? Ouais, c'est ça le risque. Donc, comme le dit Cheikh Sharawi, il dit, le risque, c'est tout ce que Allah Ta'ala vous a donné comme capacité, comme compétence, comme moyen de pouvoir continuer à vivre. Ça passe de votre intelligence, de votre force physique, de votre richesse, vous avez de l'argent. Il y a des gens qui naissent, ils ont déjà beaucoup d'argent. Hein. Ils ont déjà beaucoup d'argent. Mais ça veut dire quoi? Oui. Donc, c'est tout ce que Dieu vous a accordé, comme Dieu nous a tout accordé, oui ou non? Il nous a accordé la santé, il nous a accordé le temps libre, il nous a accordé l'intelligence, il nous a accordé le corps, la force, il nous a accordé une compétence, certains d'entre nous ont étudié, certains d'entre nous se sont spécialisés, se sont formés, etc. Tout ça, c'est le risque. Tout ça, c'est le risque. Et Dieu nous dit quoi? Il nous dit, et les vrais croyants, les vrais muttaqin, ce sont ceux qui donnent de ce que Dieu leur a donné, qui distribuent ce que Dieu leur a donné. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, ça nous fait changer une grande dimension. Ça, c'est une chose qui pose souvent problème. C'est le fait que beaucoup trop de gens croient, que c'est uniquement lorsqu'on a de l'argent qu'on donne. Et que lorsqu'il s'agit de donner en islam, c'est uniquement de l'argent. C'est faux. C'est absolument faux. Et là, on revient. Il suffit juste de voir notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant un moment, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas d'argent chez lui, il faisait quoi? Il faisait rien. Parce qu'on croit que le travail qu'il faisait, oui, parce qu'il avait un travail, en fait, hein, comme nous tous. Bon, lui, il avait un travail qu'il faisait vraiment tout le temps. C'était presque du H24. Il était prophète. C'est pas n'importe quel travail. Il appelait les gens à la vérité. Et il n'est pas le seul à l'avoir fait, A.S.A.T.O.S.L.M. Et aujourd'hui, il a légué le job. Le travail, là, il l'a laissé derrière lui. Il n'a pas dit, ça y est, c'est fini. Je pars, vous ne pouvez plus faire ce que j'ai fait. Non. on fera différemment, mais on fait. Il a donné de son temps, il a donné de sa force, il a donné de son intelligence, il a donné de son corps, il a donné de son éveil, il a tout donné. Tout ce que Dieu lui a donné, subhanahu wa ta'ala, il l'a donné. Il l'a distribué. Donc c'est là que je reviens sur la... J'ai dit le chemin. La première sourate qui a été révélée, les premiers versets qui ont été révélés, c'est Iqra, lis. À tel point que à la fin de cette première révélation, Dieu nous termine, comme un effet de résonance, Allama bil qalam. Allama bil qalam. Allama l'insana ma lam ya'lam. Ouais. Il a enseigné par la plume, par le qalam, ce qu'il ne savait pas. Selon, parce que bien sûr, c'est pas toujours facile de déterminer avec certitude, selon de nombreux savants, la deuxième révélation, c'est surat al-qalam. Certains disent al-mudathir, mais il y a, je crois même qu'on est dans la même semaine, tellement c'est très proche, tellement sont très proches ces deux révélations. Mais dans beaucoup de masahaf, vous avez comme ordre de révélation al-qalam. On va dire en tout cas que c'est la deuxième qui m'intéresse, mais elle est a priori soit la deuxième, soit la troisième. D'accord? Pourquoi j'en prends Noun, surat al-Qalam? Déjà parce qu'elle s'appelle al-Qalam. Et qu'est-ce qu'elle dit? Noun, wal-Qalami wa ma yasturun. Noun, par la plume, par le Qalam, et ce qu'ils écrivent. C'est trop. Là, il y a déjà deux révélations, c'est beaucoup. Et je vais vous dire, on va juste arrêter là-dessus. C'est déjà énorme. Ça veut dire quoi, ces deux versets? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire, d'abord, première chose, à un prophète illettré, de lire. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? De dire à un prophète illettré, de lire. Parce que la symbolique, la profondeur du message. Ça veut dire que tu sais pas lire, lis. T'arrives pas à lire, t'as pas de livre, lis quand même. T'as pas le temps d'étudier, lis. T'as pas étudié, lis quand même. On doit lire, on doit savoir. Et donc, on a cette problématique, lorsque nous parlons de cette question, quelle est notre place dans la société, il faut d'abord savoir quelle est cette société. Est-ce que, par exemple, quand on prend juste cet exemple de révélation, est-ce que c'est normal qu'un musulman, si on lit bien le Coran, hein, c'est bon, on m'avait bien suivi, si on lit bien le Coran, est-ce que c'est normal qu'un musulman, en France, soit en dessous de la moyenne de lecture de tout le monde, du reste de la société. Déjà, est-ce que c'est normal? Quand on lit ces sourates-là, c'est pas normal. C'est même grave. N'oublions pas, à qui Dieu a ordonné ça d'abord? À un prophète illettré. Nous, alhamdoulilah, on est dans une société, justement, hein, pour bien parler de notre société, une société où l'accès à la lecture est très grand. Très grand. Où l'éducation est assurée, quand même, quasi gratuitement, jusqu'à 16 ans. On a donné les outils pour ça. Donc déjà, de lire, d'étudier, de comprendre, de se renseigner, de s'instruire. Allah SWT nous commence la révélation par Iqra, lis, et jure par la plume, le kitab, l'écriture. C'est quoi la lecture et l'écriture? C'est l'instruction. C'est l'instruction, en fait. Donc, la première base de compréhension de notre société, c'est d'abord de comprendre notre rôle et de comprendre notre position. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte, c'est une nécessité vitale, il faut bien le comprendre, mais vraiment il faut bien le comprendre. Nous avons une nécessité vitale, c'est de lire, et d'écrire et de comprendre. Nous devons, et regardez, je vous l'ai dit, ça commence, c'est le début, Iqra. Ça veut dire que là, les compagnons n'avaient que un petit morceau de Coran. Pourtant, Dieu leur a dit, lisez. Eh, mais on n'a que ça à lire. Parce que vous pensez que c'est que ça que Dieu voulait qu'ils lisent? Non. Alors, Allah voulait qu'ils lisent non seulement le Kitab, mais aussi le Kitab el-Manshur. C'est quoi le Kitab el-Manshur? C'est le livre déployé. C'est ce qu'on appelle le livre déployé. C'est dans le Coran. Kitab el-Manshur. C'est quoi le livre déployé? C'est tout ce qui est autour de nous. C'est la société. C'est le ciel, c'est l'espace, c'est l'univers, c'est tout. C'est une des choses d'ailleurs qui m'a poussé à faire de la sociologie. Et la société est un kitab al-manshur. Eh bien, Dieu m'a demandé de lire, je vais lire. On doit lire cette société, on doit la comprendre. On ne peut pas faire comme si on était des extraterrestres. Et là, justement, La question, c'est qu'est-ce qu'on doit lire et comment on lit. C'est qu'en fait, la première des choses, c'est de bien comprendre qui nous sommes. Bien comprendre qui nous sommes. C'est quoi notre identité? Ça, c'est une question qui n'est pas simple. Je sais qu'elle n'est pas simple. Surtout pour nous, musulmans vivant en France. Parce que nous sommes sous le jeu de plusieurs réalités. Certains d'entre nous sont encore fraîchement immigrés. D'autres sont immigrés depuis un long moment. D'autres sont des enfants d'immigrés. D'autres sont étrangers, purement et simplement. Etc, etc. C'est pas simple. D'autres sont natifs et de génération en génération de ce pays. Ah oui, nous avons beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont dans ce cas-là. Déjà, ça c'est compliqué. Mais, justement, quand on dit de nous que nous sommes musulmans, avons-nous tout dit? Ou lorsqu'on va de l'autre côté en disant « ça c'est des Français » ou « ce ne sont pas des Français » ou « l'autre c'est immigré », est-ce que nous avons tout dit aussi? Je vous dis rapidement, en sociologie, c'est pas ce qui compte. Franchement, c'est pas ce qui compte. Dans l'absolu, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir dans quoi s'inscrit votre identité musulmane. Au moins, une chose là qui ne fait pas débat, c'est qu'on est musulman. Prenons les choses simples. Prenons les choses la plus simple et la plus claire. Nous savons que nous sommes musulmans. Khalas, ok. Restons sur ça. Eh bien, c'est quoi un musulman dans une société? Quelle qu'elle soit. Premièrement, on revient sur le Coran. On voit que Allah SWT, il décrit, pour vous donner un exemple, un musulman dans une société, pour moi, c'est comme un prophète dans une société, vu que nous sommes les héritiers des prophètes. Non, nous sommes nous les héritiers des prophètes, il n'y a plus de prophètes. Donc nous sommes nous les héritiers. Responsabilité et honneur. Eh bien, quand vous lisez le Coran, à chaque fois que Dieu a parlé des prophètes dans leur peuple, il les a qualifiés par « Akhahum ». Akhahum. Akhahum Salah. Et leur frère, Salah. Etc, etc. Ça veut dire quoi? Dire que Dieu a tout de suite établi entre le prophète et le peuple auquel il doit parler un lien de fraternité. Pour que ce soit encore plus clair, Dieu dit dans le Coran, si nous avions envoyé un messager qui venait d'une autre contrée, d'un autre pays, il dirait, on ne comprend pas ce que tu nous dis et toi tu ne comprends pas nos cultures, notre culture et nos coutumes. Regardez le verset. On ne comprend pas ce que tu nous dis et toi, tu ne comprends pas notre culture. C'est pour ça que tu dis que nous, on adore les idoles, etc. Mais tu n'as pas compris, en fait. Ouais. Tu n'es pas d'ici, c'est pour ça que tu ne sais pas c'est quoi les vraies coutumes. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous dit Allah Ta'ala? Il nous dit qu'un prophète dans une cité, donc et un musulman dans une cité, il doit être proche de ceux qui l'entourent, hein, proche à tel point qu'il doit se considérer comme ses frères. Et deuxièmement, il doit connaître. S'il n'est pas originaire de là, c'est possible, hein, c'est notre cas. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. S'il n'est pas originaire, malige. Mais qu'il connaisse au moins la société alors dans laquelle il est. Quelles sont ses coutumes? Quelle est sa culture? Comment les gens fonctionnent? C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais c'est nécessaire. C'est ce que dit Rata. Il nous dit à un moment, il nous dit ça. Il nous dit, mais sinon, il lui dirait, on comprend pas ce que tu nous dis. Tu nous parles d'islam, ouais, d'accord, mais on parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, on voit pas les choses de la même manière. Vous voyez, ça veut dire que déjà la place des musulmans dans nos sociétés, c'est de faire en sorte que même si nous avons une culture différente, nous avons une fois avoir cette capacité à dépasser notre culture pour faire passer le message. Ou à mettre notre culture au service de notre message. Mais vous ne pouvez pas transmettre de message si vous ne savez pas. C'est simple, hein, je ne peux pas envoyer texto à quelqu'un si je n'ai pas son numéro. Sauf que ça. Je ne veux pas arriver sur le bon site internet si je n'ai pas la bonne adresse. Il suffit que je me trompe d'un mot, d'une lettre, je ne vais pas aller sur le site. Voilà. Sauf si des fois Google fait le travail. Il n'y a pas de Google dans la société. Il n'y a pas Google qui vient et vous trouve des solutions rapidement. Et moi j'ai dit solutions. Il n'y a pas. Donc c'est quoi? C'est que oui, en fait, en réalité, parce que je vous dis rien que ça, là, déjà c'est très important, c'est déjà énorme. Oui, il faut qu'on connaisse cette société. Il faut qu'on arrête de croire, il faut vraiment qu'on arrête de croire que nous sommes en dehors de cette société et qu'on la regarde de loin. Que nous sommes Ashab al-Kahf. On va dans une caverne et on reste. Et encore, hein. Vous savez pourquoi ils sont allés dans la caverne? Parce qu'à un moment donné, ça allait mal se passer pour eux. Mais après, ils sont revenus. Tout de suite, ils ont dit, on va revenir. On revient. On va voir si ça se passe mieux. Bref, il est impératif de connaître nos sociétés. Et il est impératif d'avoir un regard réaliste vis-à-vis de notre société. Il faut comprendre que, et là je vais aller un petit peu plus loin, sachez-le bien, la société que vous voyez est à votre image, que vous le vouliez ou non. Ça veut dire que même si elle est dépravée, même si c'est grave ce qui s'y fait, c'est qu'elle est à l'image de ce que vous avez fait ou pas. Elle est à l'image de ce que vous avez fait. Qu'avez-vous empêché? Qu'avez-vous produit? Qu'avez-vous généré? Qu'avez-vous construit? Vous avez vu quelque chose d'horrible? Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait pour l'empêcher? Et souvent, des fois, on entend, et inch'Allah, ce sera même intéressant d'en discuter, on entend même parfois certains musulmans qui pensent, en France, qui pensent que c'est une bonne chose que, par exemple, la société dans laquelle on vit s'effondre. Parce que c'est une société, comme on pourrait dire, mabni, elle est construite sur des choses mauvaises, des bases mauvaises. Je sais pas, moi je cherche, je regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rien trouvé qui parle de ça. Non, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des doigts de que la Mecque soit détruite. Et que les gens qui soient dedans s'entretuent. Il n'a jamais fait de doigts comme ça. Pourtant, la société mécoise, Qurayshiya, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, était mabni, était construite sur des bases mauvaises. La base du shirk, de l'association à Dieu, que Dieu nous préserve, de l'injustice, de la criminalité, de la loi du plus fort, elle était construite sur des bases mauvaises. Et croyez-moi, la société mécoise n'est pas bien différente de la société française dans laquelle nous sommes. Elle est juste plus dense, il y a plus de monde. C'est pour ça que ça nous impressionne. Eh oui, c'est pour ça que ça nous impressionne. Oh, trop de monde. 60 millions, oh. Ah, ils sont tous égarés, ils sont tous perdus, ils sont tous... Ah, c'est juste un effet, parce que c'est trop de monde aujourd'hui. Ben oui, ben oui. 60 millions, c'était la population mondiale à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous comprenez, c'est des civilisations, c'est des empires, la ville, là, l'île de France. Donc nous, on a l'impression que on ne peut rien faire. C'est juste, sauf qui peut, évitons que les meubles brûlent, sauvons nos enfants. Mais vous voulez sauver vos enfants comment? Vous voulez sauver vos enfants comment? Vous avez trouvé le caire? Et vous avez trouvé un plan pour les amener là-bas? Non. Que vous le vouliez ou non. Je vous donne un chiffre intéressant. Écoutez bien ce chiffre-là. Une étude très récente concernant les médias, et en particulier la télé et Internet. Et c'est une étude qui a été faite, pas par des musulmans, malheureusement, par des scientifiques, à la fois américains, canadiens et français. Plusieurs chercheurs en psychologie et en sociologie. Et en communication. L'enquête a été énorme, et tellement ils ont trouvé des résultats effrayants qu'ils en ont fait un livre, un manuel pour les parents. Je vous donne une de ces conclusions qui, je pense, va déjà être claire pour tout le monde. À travers tout le temps que passe un enfant lorsqu'il est en âge d'éveil, vous savez, le moment où il commence à interagir avec les parents, et en particulier au moment où on commence à allumer la télé pour lui. Et ouais. Ceux qui n'ont pas de télé, tant mieux, mais même au-delà, lorsqu'il commence à se scolariser, parce que même si vous voulez parler de la télé, vous devez l'amener à l'école. Je sais que certains font l'école à la maison, pourquoi pas, il faut bien le gérer et l'assumer, mais ça ne règle pas le problème. Ça le déplace, mais ça ne le règle pas. C'est bien, ça ne le règle pas. En tout cas, de l'école jusqu'à ce qu'il quitte le foyer. Ils ont pris une moyenne, la moyenne française c'est 23 ans. 21-23 ans. Entre ceux qui étudient, etc. Eh bien, sur cette moyenne-là, de la scolarisation jusqu'à ces 21-23 ans, c'est une moyenne nationale dans laquelle nous sommes dedans. On est dedans, croyez-moi, on est dedans. Dans la famille, il y a un temps de qualité, ce qu'on appelle des instants de qualité. Vous savez, c'est quoi les instants de qualité? C'est le moment où vous pouvez vous poser pour transmettre une valeur à vos enfants. C'est un temps de qualité. Parce que c'est pas en étant sur le pas de la porte que vous enseignez une valeur à vos enfants. Alors, vous pouvez lui rappeler une chose, mais vous lui rappelez une valeur, mais c'est en se posant, en disant, mes enfants, il faut que vous sachiez, ça c'est important. C'est un moment de qualité. Ça peut se passer de différentes manières, c'est selon les familles, selon les idées qu'on peut avoir. Quoi qu'il en soit, il y a 52 heures dans toute une année. Il n'y a que 52 heures en moyenne. Vous savez, c'est une moyenne. Il n'y a que 52 heures de qualité par an. Par an. Dans une famille. En France. C'est une moyenne. Ça veut dire que si nous, les musulmans, on se dit « Ouais, mais nous, c'est pas comme ça. Alors peut-être multiplier par deux. » Allez, multiplier par 10. Si vous voulez, on vous rejoint un service. Ça fait quoi? Ça fait 520? 520 heures? Sur un an? Je sais plus il y a combien d'heures dans une année, mais je sais qu'on est loin du compte. On est très très loin du compte. Parce que le problème n'est pas simple, n'est pas seulement le fait qu'il n'y a que si peu d'heures. C'est à vous les autres heures. Ils font quoi dans les autres heures? Il se passe quoi? Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, l'enquête montre le temps d'exposition à la télé, le temps d'exposition avec Internet et les médias, le temps d'exposition avec ses amis, copains de classe, de quartier, et le temps d'exposition à l'école, qui est aussi un mélange avec les amis. C'est énorme. Ça, vous voyez, vous avez un panorama de la société dans laquelle nous sommes et dans laquelle nos enfants sont inscrits. Nous-mêmes, nous y sommes inscrits, qu'on le veuille ou non. Cette réalité, c'est comment on fait? C'est compliqué, comment on fait? C'est-à-dire qu'on est face à un vrai problème. On est face à un vrai problème. Parce que si d'un côté, on est vite tenté de se dire, il faut protéger ses enfants. Mais vous protégez vos enfants d'un feu, oui. Mais vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être éteindre le feu? Le problème, c'est que on se dit, ok, j'attaque le feu. Mais le feu n'est pas un peu trop immense? C'est compliqué, hein. C'est un vrai problème. On est face à un vrai problème, c'est la vérité. Je ne vais pas vous dire, c'est facile, c'est bon, je vous ai trouvé la solution aujourd'hui, on va régler nos familles. Non, non, non. Et même parfois, ce feu, c'est nous qui mettons le bois dedans. Nous qui mettons le bois dedans. Sans même s'en rendre compte. Des fois, c'est très tôt. Sans s'en rendre compte, on met du bois, on ne fait pas attention. Parce que ça, c'est une des réalités de nos sociétés, justement. Et si je peux vous dire une chose, c'est que la première des choses qui va être vitale pour vous dans la société dans laquelle nous sommes, c'est déjà de la regarder en face. C'est déjà de regarder en face la société. Ça veut dire quoi, la regarder en face? C'est essayer d'être un petit peu conscient de ce qui se passe autour de vous et de ce que vous faites vous-même dans ces sociétés-là. Ne vous laissez pas aller. C'est ça le problème. Nous, on se laisse aller. On a nos petits schémas, nos petites habitudes, nous sommes programmés pour ça, nous sommes des êtres humains. On a nos habitudes et nos routines. Et on avance, on fait comme ça, on consomme. Tiens, c'est samedi, c'est vendredi, on va faire les courses. On est programmé, vous savez, on a un schéma, parce que c'est comme ça, on n'a pas le temps, c'est comme ça. Et donc, que vous le vouliez ou non, vous rentrez dans des schémas. Et il y a des choses auxquelles vous ne serez pas forcément attentif. La première des choses, c'est de faire attention. La première des choses, c'est d'être attentif. C'est pour ça que, être attentif à quoi? Elle l'a dit, n'oubliez pas qu'il y a des anges qui vous regardent, et qu'il y a Allah Ta'ala qui vous juge, et qui compte ce que vous faites, et qui est là tout le temps. Et n'oubliez pas que Allah est le maître de tout, et que Dieu ne laisse pas une injustice continuer comme ça. Ah oui, c'est ça l'Iman Bil-Ghaib. C'est vrai, hein? On a des fois du mal à comprendre ce Iman Bil-Ghaib, on a pensé que c'était les djinns, etc. C'est ça, mais c'est tout! C'est tout ce que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas vu Dieu, c'est le Ghaib. Mais aussi, vous n'avez pas vu ce que Dieu a promis. C'est le sens même d'une promesse. Vous ne l'avez pas vu. Si Dieu vous dit, je vous accorderai la victoire, c'est parce que vous n'avez pas encore la victoire. Donc c'est une promesse. Et cette promesse, vous ne l'avez pas encore vue. Donc, l'Iman Bil-Ghaib, c'est d'avoir la foi en cette promesse qui va être tenue. Ça, déjà, c'est pas facile, je vous assure. Eh oui, à tel point que même Allah Ta'ala le dit dans le Coran, même le prophète et les compagnons, en pleine bataille, on les a fait trembler de toutes parts. Jusqu'à ce que les gorges se nouent et les yeux commencent à regarder de travers en se disant peut-être qu'il faut partir. C'est en pleine bataille. Peut-être qu'il faut partir. Vous vous rendez compte? Nous, on a l'impression, c'est des êtres humains comme nous. Et Allah nous dit quoi? Jusqu'à ce que le messager et ceux qui sont avec lui disent, c'est quand la victoire de Dieu? Eh bien, je vais vous dire une chose, la société dans laquelle on est, elle est pareille. La société dans laquelle on est, c'est un champ de bataille. Certains d'entre nous sont tombés. D'autres sont aussi en train de lutter. Mais ceux qui luttent sont là en train de dire, c'est quand la victoire de Dieu? C'est où que cette société va changer, là? Où ça va, tout ça? Donc, elle y mène au Bodraïb. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important d'avoir une distance. Une véritable distance. Les savants, d'ailleurs, appellent cette distance-là « ibadatut tafakkur ». Ibadatut tafakkur, l'adoration de la méditation, de la réflexion. Vous devez réfléchir. C'est obligatoire de réfléchir. Oui, oui. Non, mais c'est pas juste une... Non, non, c'est sérieux. Vous avez même un exemple très concret. Un hadith qu'on connaît tous, celui-là, par contre, c'est le plus populaire. Alhamdoulilah, c'est magnifique. Mais l'a-t-on compris? Par le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent que par leurs intentions. Ouais, très bien, super. Ça, c'est ça pour la prière, non? C'est ça? pour le Ramadan, pour le... Non ? Ou par rapport au fait qu'on veut faire des hasanat, c'est ça ? Non, non, tout le temps. Parce que ce que vous ne déploierez pas pour des hasanat, alors c'est des sayyiat. Quelle est votre intention ? Quand vous partez faire vos courses, quelles sont vos intentions ? Eh oui, innamal a'mal. Il a dit les actions. Il n'a pas dit l'amal salih. Eh oui, il aurait pu dire sallallahu alayhi wa sallam l'amal salih. Après, il donne un exemple d'amal salih. Mais là, il montre quoi, sallallahu alayhi wa sallam ? Il montre que comment une bonne action peut se faire parasiter par une action normale. Une action normale. Hein ? Dans le hadith, la suite du hadith, c'est quoi ? Les actions ne valent que par leurs intentions. Quant à celui qui fait une immigration, qui quitte la Mecque pour Médine, pour Allah et son messager, alors il fera une immigration, ça sera compté aux yeux de Dieu, comme une immigration pour Allah et son messager. Quant à celui qui part pour une affaire de ce bas monde ou une femme qu'il souhaite épouser, alors il aura une hijra, une immigration, pour ce pourquoi il est parti. Donc c'est simple, je vous donne un mille. Quand vous faites vos courses, si c'est pas pour Allah Ta'ala, c'est pour autre chose. Et vous croyez que vos actions elles sont, il y a juste, c'est juste dans la mosquée que c'est pour Dieu, et le reste c'est pour autre chose. Non. C'est tout le temps. Emmanuel Drive, les anges, ils ferment pas leurs livres quand vous sortez de la mosquée. Hein. Ah, ils sont toujours là, ils attendent. Tout le temps. Rien que ça, vous imaginez ? Ça paraît très bête quand je dis ça, mais oui, mais rien que ça. Rien que ça. Pourquoi je fais mes courses ? Quel est l'objectif ? Pourquoi je fais mes courses ? Comment je fais mes courses ? Quelles sont les règles que je suis censé respecter quand je fais mes courses ? Et l'objectif que je veux remplir, est-ce qu'il est vraiment fidèle aux objectifs de Dieu ? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi ? Est-ce qu'au final, je vis uniquement pour remplir un frigo qui va permettre à toute ma famille de vivre ? Est-ce que c'est véritablement ça l'objectif ? Ou est-ce que ça, c'est juste un impératif, une obligation parmi toutes les obligations, comme boire, manger et dormir ? Est-ce que Dieu nous a créés pour boire, manger et dormir ? Déjà. C'est vrai, ça ? Vous voyez ? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu m'a créé pour boire, manger et dormir ? Ou est-ce qu'il m'a créé pour que je fasse boire, manger et dormir ? C'est ça aussi. Ah oui ? Elle est la vraie question. Innamal a'malu binniyat. Et comme, à partir du moment où on se réveille, à partir du moment où on a les yeux ouverts, on ne fait que des a'mal, on ne fait que des actions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit quoi ? Il vous dit réfléchissez tout le temps. Réfléchissez avant d'agir. Le croyant, il réfléchit avant d'agir. Et donc, concernant notre position et notre situation en tant que musulman, il est impératif de bien considérer cela. C'est d'abord je réfléchis avant d'agir. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? On a deux indications. Kuntum khayrun ummatun ukhrijat linnas. C'est ça ? Vous êtes la meilleure communauté. La meilleure communauté suscitée parmi les gens. Kuntum khayrun ummatun ukhrijat linnas. Linnas. Pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez ce qui est convenable, ce que les gens. Ce que les gens et les sociétés considèrent comme bien, c'est le ma'rouf. Hein. Le ma'rouf, laisse le khayr. Le ma'rouf, laisse le khayr. C'est pas la même chose. Sinon, Dieu aurait dit le khayr. Donc, le ma'rouf, c'est ce qui est convenable, ce que tout le monde considère comme étant bien. Même celui qui fait le contraire. Même celui qui fait le contraire, il sait que ça, c'est le ma'rouf. Tout le monde sait que c'est le ma'rouf. Ou le munkar, tout le monde sait que c'est le munkar. Tout le monde sait que c'est à rejeter. Donc, ya'muruna bil ma'ruf, ils ordonnent ce qui est convenable, ce qui est bien pour les gens, ce qui est sain. Wa yanhauna 'anil munkar. Et ils freinent, ils empêchent, et ils limitent, voire ils éliminent le mal, les mauvaises choses, ce que les gens considèrent comme mauvais. Wa yu'minuna billah. Et ils ont une foi en Allah. Il est d'ailleurs très particulier de voir que Dieu a placé la foi à la fin de la proposition. Ça veut dire quoi ? Certains savants disent que. C'est-à-dire que si vous n'avez pas rempli les deux conditions premières, alors la troisième, elle n'est pas présente. Et ça, énormément de hadiths et énormément d'ayats dans le Coran vont dans ce sens-là. Hein, vous connaissez ce hadith de celui qui voit une injustice, hein, qui la corrige par la main. S'il ne peut pas, qu'il le fasse par la bouche, par la parole, par l'écriture. C'est la même chose, l'écriture, idée. S'il ne le peut pas, par le cœur. Et c'est là le degré le plus bas de la foi. Ça, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui ne le fait même pas ça, il n'y a plus rien. Ou c'est quoi l'autre hadith sur la foi, c'est plusieurs branches. Hein? La foi, c'est plusieurs branches. La plus haute, la ilaha illallah, c'est-à-dire ikhlas. C'est impeccable. C'est-à-dire la ilaha illallah. Beaucoup de gens ont voulu compliquer cette phrase. Elle est malheureusement très simple. Elle est cruellement très simple. Mais elle est justement impérative et difficile à réaliser. Parce que c'est la ilaha illallah. Et ilaha, ça peut être un frigo, ça peut être un travail, ça peut être ses enfants, ça peut être sa femme, ça peut être son mari, ça peut être ses amis, son patron, ça peut être n'importe quoi. C'est tout ça le problème. Et Allah te dit la ilaha illallah. D'ailleurs, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la plus haute c'est la ilaha illallah, c'est-à-dire que c'est pas automatique. C'est pas vrai, tu dis je suis musulman, c'est bon, je suis rentré dans le système la ilaha illallah. Non, non, non. Il faut y arriver. C'est un travail tout le temps. Tout le temps. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. C'est simple, si tes actions sont toutes dédiées à Dieu, alors tu es dans le la ilaha illallah. Et toutes à Dieu, la sharika la. Sans lui associer quelque chose. Donc la plus haute, ça c'est l'ikhlas, ça nécessite d'autres développements. Mais la plus basse. Plus basse. Le fait de retirer une nuisance. C'est adha, c'est ça. Adha. Ça veut dire une nuisance. C'est pas une peau de banane uniquement. C'est pas un morceau de je sais pas quoi. Adha. Quelque chose qui gêne. On pourrait, et encore plus quand on est sociologue, on pourrait le développer très longuement. C'est vrai que cette proposition. Adha. Adha. Vous-même, vous pouvez être un adha. Vous-même, vous pouvez être adha. Vous pouvez être une nuisance dans la route. Votre voiture, alors là, par contre, la voiture, ça l'est tout le temps, ça. Hein? Combien de gens se figurent, il faut que j'attrape ma Jumara? Coûte que coûte. Ça veut dire quoi, coûte que coûte? Pourquoi tu vas faire ta Jumara? C'est pour qui qu'on fait la Jumara? C'est pour Allah Azzawajal, c'est ça? Et tu fais le contraire. Tu poses ta voiture n'importe comment. Il y a parfois des gens qui sont malades, etc., qui doivent être évacués en urgence, et tout, parce que je vous parle de faits que j'ai déjà vus, hein, des réalités. Hein. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu une ambulance qui était bloquée. Je l'ai vu. C'est bien. Et lui, il est dans la Jumara tranquille, c'est bien. Tout va bien. Mais c'est quoi l'objectif? Il fait quoi? Il prie qui? C'est grave. C'est un vrai problème. Un vrai, vrai, vrai problème. Et vous imaginez après l'autre conséquence? Ah, pardon, j'étais en train de faire la Jumara. Ah, c'est bien. Vous pouvez me rappeler quelle religion vous avez? L'islam. Ouais, très bien. Vous me rappellerez de ne jamais m'intéresser à cette religion. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que justement, vous avez donc la question de l'intention de réfléchir, de porter un regard sur votre société. Ça veut dire de réfléchir réellement. Faut quitter le schéma de halal haram. Hein. Parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Parce que si vous faites un premier regard, vous allez voir que tout est haram. Si vous jetez un premier regard, tout est haram. Allez. Bah ok, d'accord, on fait quoi? Vous ne trouverez aucune société dont la dominante halal est plus importante que le haram. Il n'y en a pas. Là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Car les humains sont des humains. Et que tant que leurs cœurs n'auront pas changé, ils resteront comme ils sont maintenant. Et pour que les cœurs changent, il faut d'abord que le vôtre y change, que le mien y change. Pourquoi vous attendez des autres ce que vous ne pouvez pas faire vous-même? C'est pas possible. Il faut quitter le regard halal-haram. Et il faut d'abord porter un regard responsable sur nous-mêmes. Or, en réalité, ce que je vous ai dit, quand on est face à ce problème de « il y a le feu », et il faut sauver nos membres, nous-mêmes, nos familles, nos biens, et nos proches et notre communauté du feu, il faut résoudre le double problème. La source de cette résolution du problème, c'est d'aller dans le cœur, c'est de travailler à l'intérieur. Mais c'est attention, on ne s'arrête pas là. Hein. C'est pour ça qu'on a dit « Alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat ». Je dis, on ne traduit pas salat, mais accomplissent la salat. Et la salat, c'est le lien avec Allah Azzawajal. Mais réellement, normalement, un vrai lien avec Allah Ta'ala vous transforme. Un vrai lien avec Allah Subhanahu wa Ta'ala ne vous transforme. Et vous ne pouvez pas prétendre avoir un lien avec Allah Ta'ala et être comme d'habitude. Normalement, une vraie salat doit vous changer sur le champ, ne serait-ce qu'un petit instant, ne serait-ce que 5 minutes après la prière. Au moins ça. Si jamais elle ne fait même pas ça, mais alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Moi? Qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des gestes? Des gens font des gestes plus compliqués que nous pour prier quelque chose d'autre. Non? Des gens font des gestes encore plus dingues. J'ai vu des rites encore plus dingues. Il y a des hindous, ils font un chemin, je crois, sur des centaines de kilomètres. Il y a wakuf, rokour, sujoud, mais eux, ils ont poussé le truc à plat ventre. Et ils restent comme ça, et après, une fois qu'ils se mettent à plat ventre, ils se lèvent à l'endroit où ils sont mis à plat ventre, ils avancent un peu, ils font le même geste, ils font ça à plat ventre. Et c'est parti pour tout le chemin. Nous, on serait pas capable de faire ça. Hein. Ouais, mais eux, ils le font. Hein. Donc, est-ce que c'est une question de geste? Est-ce que c'est à celui qui tient le plus longtemps debout en prière? Est-ce que c'est à celui qui reste le plus longtemps prosterné? Non. C'est pas des gestes. C'est une profondeur. C'est quelque chose qui doit vous transformer. Et ce n'est pas possible qu'il y ait un groupe qui prie ensemble et ce groupe-là n'existe pas. Vous voyez? Ce n'est pas possible qu'il y ait un groupe qui prie ensemble et ce n'est pas un groupe. C'est pas possible. On répète tout le temps, tous les jours, Salat Jama'a. C'est ça ou pas? C'est bien Salat Jama'a. Il faut faire la prière en groupe. Mais si vous n'êtes pas un groupe, arrêtez de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant. On n'est pas un groupe. C'est, comme le disaient les sociologues, un rassemblement d'individualité. C'est un rassemblement d'individualité. Vous êtes tous seuls. Vous êtes tous ensemble seuls. C'est effrayant quand même. Vous êtes tous ensemble seuls. Ouais. Et c'est très sérieux ça. Ce n'est pas normal qu'une communauté qui se retrouve dans un lieu, dans un même lieu, vous ne savez même pas comment vous appelez les uns les autres. C'est normal ça? Wallah, c'est pas normal. Je vous assure que c'est pas normal. Allez, on veut changer la société. On veut juste se protéger. Vous voulez vous protéger comment? Vous n'arrivez même pas à faire un lien avec celui qui normalement partage tout. Avec celui que Dieu a annoncé, a déclaré, Allah Ta'ala a déclaré, c'est votre frère. Vous ne prenez pas soin de votre frère, vous voulez prendre soin de qui? Vous vous rendez compte? On n'arrive même pas, c'est impossible pour nous. À tel point que ça peut sembler bizarre de dire salam alaykoum. Hein, ce qu'on appelle salam al-khawas, c'est ça, hein? La salutation privée, ouais. Ah, c'est privé, particulier, le salam particulier. Je ne dis bonjour qu'à ceux que je connais. Peut-être, d'accord, peut-être. Mais c'est pas normal que tu ne connaisses pas tes frères et tes sœurs. C'est pas normal. Donc c'est vrai que quand on se pose la question quelle est la place des musulmans, vous voyez qu'on pose plus de problèmes qu'on en résout. C'est vrai. Et que justement, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut attaquer plusieurs fronts en même temps. Mais pour attaquer ces fronts en même temps, il faut avoir des ressources, il faut des moyens. Le premier moyen, c'est votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un vrai lien, pas de la façade, pas de la surface, un vrai lien profond. Ce lien est très difficile, à tel point que même des savants ont dit, si vous n'arrivez à récolter qu'une seule instant, qu'une seule prière de khushur ou ikhlas, avec recueillement et sincérité, alors c'est peut-être celle qui va vous sauver. C'est sûrement celle qui va vous sauver. Elle suffira, comme disait l'imam Nawawi, ça suffit. Et d'ailleurs, normalement, chacune de nos prières, on doit courir derrière ça. On sait qu'on n'y arrive pas. Oui, on sait qu'on n'y arrive pas. Au moins on cherche. Au moins on fait cet effort. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit votre prière a plus de degrés en groupe que tout seul, c'est pas pour que vous allez dans une foule comme on va dans un supermarché. Ou un concert. C'est que vous allez dans un groupe parce que le prophète vous dit vous gagnez plus avec le groupe. Parce que vous avez besoin du groupe. La preuve que vous avez besoin du groupe, il vous augmente vos œuvres. Le groupe vous augmente les œuvres. Mais le groupe... J'oserais presque dire que, sociologiquement, il faut de grosses conditions pour arriver au hadith de Jama'a. Parce que Jama'a, c'est un groupe. C'est pas un rassemblement de personnes. Juste un rassemblement. Vous êtes là parce que vous avez vu de la lumière. Vous êtes là parce que c'est l'ordre de Maghrib. Ou d'Aïcha. C'est pas ça. À ce moment-là, faites-la chez vous. C'est pas possible. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il vous dit de venir? Ben non. Vous devez être un seul groupe. Vous devez être un seul groupe. Et c'est qui dit ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Wa ummatukum, wa ummatukum ummatun wahida, wa ana rabbukum fa'budun. Ce verset. Wa ummatukum, et votre communauté, votre nation. Wa ummatukum ummatun wahida. Ça fait référence à deux choses. À la réalité de maintenant, c'est-à-dire la communauté qui suit Allah Azza wa Jal. Nous, maintenant, aujourd'hui, Inch'Allah. Mais Allah Ta'ala nous a même fait aller encore plus fort. Ummatukum jusqu'au prophète, jusqu'au premier. Tous ceux qui étaient soumis à Dieu. Communauté forte, avec une histoire forte, avec des liens, un héritage très fort, avec des actions fortes. Wa ummatukum ummatun wahida. Wa ana rabbukum fa'budun. Votre communauté, c'est qu'une seule et unique communauté. Et moi, je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Vous voyez le lien un peu? On dirait presque qu'Allah nous dit, il n'y a que si vous êtes un vrai groupe que vous allez vraiment m'adorer. Il y a une adoration dans le groupe. Ibadat al-tafakkur, l'adoration de la méditation, de la réflexion. Ibadat al-tajammu', oui, l'adoration du groupe, du rassemblement. Al-jum'a. Jum'a, c'est pas la foire. C'est le jum'a. C'est se rassembler. C'est être un groupe. Normalement, quand vous sortez de la Jum'a, vous devez vous sentir plus fort. Vous devez vous sentir prêt à affronter cette société, justement. Prêt à avancer, à contaminer votre famille de ce que vous avez ressenti dans la famille qui s'est réunie dans la mosquée. Tout comme ceux qui partent à la Mecque. Qui, normalement, ils ont senti cette famille de l'islam et ils sont prêts à la... On sent, hein, quand ils reviennent. On sent, ils dégagent. Je me souviens, je passais à l'aéroport des retours du Hajj. On sent. Même, on voit même les non-musulmans en train de regarder. Ils sentent quelque chose qui se passe. Or, c'est juste des gens qui reviennent d'un voyage. Ah oui, mais quel voyage! Donc, on a cette ibad al-tafakkur, cette méditation, prendre le recul. Amal ou bin niyat, de bien être clair sur ses intentions. C'est déjà un immense travail. C'est déjà un immense travail. Et de s'instruire et de faire instruire. Faites, comme on dit, si jamais vous vous sentez incapable, alors faites comme l'aveugle qui ne peut pas lire. Qu'on lise pour vous. N'est-ce pas? Qu'on lise pour vous. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, demandez à quelqu'un qui a mieux compris que vous. N'ayez pas peur. Au contraire, il faut savoir. Mais vous ne pouvez pas rester, les musulmans ne peuvent pas continuer à rester des ignorants dans ce pays. Vous voyez, quand je dis, avant de parler même des problèmes d'identité, d'abord, on n'a pas le droit d'être des ignorants dans ce pays. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être ignorants tout court, où que nous soyons. Où que nous soyons. Je crois qu'on a porté les chiffres de... J'avais fait un tableau sur les chiffres de l'Oumiyya, de l'illettrisme. La moyenne arabe, juste arabe, parce qu'il y a des exceptions dans les autres pays, dans l'Afrique subsaharienne, des exceptions, en Asie aussi, mais juste la moyenne arabe. Vous savez, les arabes, ce sont ceux qui sont supposés lire le Coran dans le monde tranquille, vu qu'ils sont arabes. Non, je ne sais pas. Parce que vous... Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 60% d'illettrés en Égypte. 60% d'illettrés. Ça veut dire quoi 60% d'illettrés? C'est-à-dire que vous avez 60% d'Égyptiens, ils ouvrent un mashaf, ils ne savent pas lire. Du coup, un Égyptien, il ouvre le Coran, il ne peut pas lire. Ça ne vous fait pas peur, ça. Un Égyptien, un Arabe, hein, son pays a été libéré par Omar ibn Khattab. Il ouvre le Coran, il ne sait pas lire. On a des chiffres astronomiques dans certains pays, comme le Maroc. Il y a des pays un peu plus... celui qui a, ça faut le dire, hein, celui qui a le taux d'illettrisme le plus bas de tout le monde arabe, Arabie, Émirats Arabes Unis et Qatar compris, qui a le taux le plus bas d'illettrisme, la Palestine. Palestine. Même d'ailleurs, Gaza, elle toute seule, possède le taux de diplômés le plus important du monde arabe. Donc, ceux qui pensent c'est une question de moyens, non. Wallahi, non, c'est pas une question de moyens, c'est une question... Détermination, volonté, d'avoir compris le Coran. Comment? Allez, tu sais pas lire. Juste t'entends le mot ikra. T'entends Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ikra. Déjà, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Où, quand, maintenant? Il faut que je sache lire. C'est pas possible. Un musulman ne peut pas vivre une seconde de plus dans sa vie sans avoir, en ayant reçu cet ordre, sans l'avoir réalisé. Ou tout faire pour le réaliser. Et quand on le lit, il y a lire. Il y a lire d'abord, savoir lire tout court, mais lire. Il faut que vous lisez cette société, il faut que vous compreniez comment fonctionne cette société. Il faut que vous compreniez un minimum, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que cette consommation qui galope, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que vous compreniez que même nous les musulmans, lorsqu'on fait des trucs qu'on dit halal, on est en train de pervertir ce qui est même islamique. Que normalement un musulman, c'est pas quelqu'un qui bouffe. Juste il met halal, c'est bon, ça passe. C'est pas quelqu'un qui va remplir son frigo et qui va commettre les mêmes excès que commettent les autres dans leurs fêtes. Nous on fait les mêmes excès dans nos fêtes. Et nous quand on regarde les... Hein, on a notre regard là. On regarde entre guillemets les koufars, cette expression. On les regarde comme ça, on les regarde pendant Noël là, parce que c'est la saison. Hein. On les voit là. Franchement, vous voyez les magasins. Hein. Vous y passez, vous pouvez pas y couper Noël. Cadeaux, etc. Alors à l'exception des cadeaux pour les enfants, parce que là par contre c'est étrange, on est un petit peu... Encore un peu difficile à donner des cadeaux pour nos enfants. Enfin, je parle ça de manière générale, hein. Bien sûr. Même si je pense qu'alhamdoulilah, ça commence à bien se faire, mais on a les mêmes attitudes d'excès. On mange beaucoup, on consomme beaucoup, on achète beaucoup pendant les fêtes. Les koufars, comme on pense, font ça pendant Noël et le jour de l'an. Et nous, on fait ça pendant l'Ariad. Parce qu'on a pensé que l'Ariad, c'est. Il faut se défoncer, il faut se défouler. Faut se défouler. Non, c'est pas ça du tout. C'est ça, avoir un regard critique par rapport à ça. Rien que prendre cette prise de distance est importante. Je vais pas aller plus loin. Pour laisser le temps. 30 minutes. Très bien. Et donc, ça fait comme un peu une office d'élément de réflexion. Je terminerai juste sur une donnée. Peut-être qu'Inch'Allah, ça pourrait faire l'objet d'une autre intervention. L'autre jour, c'est n'oubliez pas. En fait, les clés, c'est vous qui les avez. À partir du moment où Allah Azzawajal vous a créé libre, vous avez créé libre. Car si Dieu le voulait, il vous forcerait tout de suite à être pratiquant, parfait, adorateur et tout. Il vous forcerait. Vous n'aurez pas de choix. Vous vous levez, hop, je fais la prière sobh à l'heure pétante. C'est à 7h01 sobh, 7h01, je suis déjà sur le tapis, je suis comme ça. Si Allah le voulait. Oui. Non, il vous a laissé la responsabilité. Allez, réveillez-vous. Allez, faites vos ablutions. Allez, faites ça.